Le délire, c'est quand même mieux, je sais pas. En tout cas, c'est gratuit. Oui, c'est sûr, c'est gratuit. J'ai sorti le petit jouet. Ah, vous? Ouais. Comme moi? Non. On va dire, t'as écrit ce qu'on fait. Jamais. On attend. On attend. Jamais. Jamais. Jamais. Jamais. Si,